Je le suis, ce GPS, mais où est-ce qu'il m'emmène ce GPS? Bon allez, moi je me casse. Vous êtes génial les mecs. Allez, bye bye. C'était bien sympa. J'ai essayé d'improviser sur ce texte, mais j'ai un petit peu de mal. Et vous avez des bons sons de guitare les gars. C'est pas mal. Moi j'ai mal au cul à force de rester assis devant cet ordinateur. Allez bye, ciao, je me casse.